Thank you. Côté du ciel tombé d'en haut, tu m'éblouis par ton sourire, oh, sourire. Donne-moi ton cœur, laisse-moi gérer, plus jamais tu verras un sourire. Oh. Laisse-moi saigner pour toi si t'es blessé. Je t'a béni, papa, blessure. Je chanterai que pour toi, je veux t'apaiser. C'est moi ton capitaine, bébé, t'es sûr. Oh. Je m'allongerai par terre pour que jamais tes pieds ne touchent le sol. Et si jamais t'as peur pour toi, je combattrai même les démons. Par jamais sans me dire, je veux devenir ton ombre, je suis tes pas. Tu t'as créé sans défaut, reçois le vent qui t'a porté. J'aimerais dire merci à ta maman. Avec toi, je veux passer mes plus beaux moments. Je veux qu'on fasse la chair de ma chair, celle qui t'appellera.